Bonjour Paulin. Bonjour Serena. Aujourd'hui, les top cruises du meilleur film. Oui. Top. C'est les top cruises. Alors Paulin, les meilleurs films. On a fait les pires. Ouais, on a fait les pires maintenant. Les meilleurs. C'est bon. Le pire est derrière nous. Les meilleurs films. Je vais faire pareil, des petites mentions. Bien sûr. Je sais pas si c'est des grands films ou quoi, mais moi, en tout cas, c'est des petites surprises, des petits trucs vraiment que j'ai bien aimés. Il y a Night and Day, par exemple, ça a été une super surprise pour moi. Je trouve très drôle ce film. Il m'a beaucoup plu, en fait, tu vois. J'attendais rien. Et ben, c'était une petite surprise. Donc, je me dis, je le mentionne. Ça fait pas partie forcément des meilleurs films pour moi, mais ça se mentionne. Parce que c'était une très agréable surprise. Très bien. Après, il y a celui qui fait fond de mon petit cœur. C'est toujours une mention, c'est Jack Reacher. Ah ouais. C'est Jack Reacher, ouais, c'est pas, il a beau être quand même un vieux facho. Je sais pas, ce film, je l'aime bien. J'aime bien comment il est foutu. J'adore l'intro. Je trouve ça chouette. Je trouve que c'est un thriller qui marche bien. Et maintenant, du coup, je vais rentrer dans mon top 3. J'ai deux numéro 3 ex aequo. On va dire que c'est la place Arte, la place intelligence, la place cinéphilie, tu vois. Et c'est là où je mets les deux films qu'il faut dire c'est les meilleurs films de Tom Cruise, donc je mets Magnolia et Eyes Wide Shut en même temps. Je dis comme ça, voilà, ça c'est pour dire je l'ai fait aussi. Après, ceci dit, c'est vrai que c'est des très grands films. C'est pas, peut-être pas ceux que je préfère, mais ils sont très très... Enfin si, ils sont numéro 3 dans ceux que je préfère, donc ils sont forcément assez hauts. Mais bon, ça fait bien de dire ça. Si clairement on vous demande quels sont les meilleurs films de Tom Cruise, vous dites ça, comme ça, vous, normalement, dans les dîners, vous êtes bien vus. Après, numéro 2, là, c'est mon petit kiff, c'est La Firme. La Firme, c'est mon kiff. Moi, j'ai adoré ce film, mais j'aime les thrillers. Tu vois, j'aime bien Jack Reacher, j'aime bien La Firme. C'est mon film préféré. Enfin, pas mon film préféré, parce que mon film préféré, le numéro 1, c'est Mission Impossible 1. Tout bêtement, parce qu'en fait, c'était le kiff, c'était l'action, symboliquement c'est fort, pour la carrière de Tom Cruise c'est fort, mais même c'est un film, j'aime beaucoup ce film, c'est un super thriller, j'adore la réelle, j'adore le truc, et puis j'adore le fait qu'il ait lancé une franchise que j'aime beaucoup encore, même si on va bientôt finir par s'en lasser, mais bon, on verra bien. Faut le revoir dans 5-6 ans. Ouais, voilà. Trop bien. Eh ben, super, merci Paulin. Eh ben, on se voit demain pour la deuxième partie. Yes.